Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. C'était vraiment 70%. On est très contents. Merci aux Crackberries de nous avoir fait cet hymne à quelque chose qui nous tient à cœur. 70%. Bruno, ça va? Ça va bien, toi? Oui, je vois que tu es en train d'ouvrir un Pepsi dans la radio. Oui, c'est en fait, j'ai réussi à boire toute la Boréale qu'il y avait dans le frigo pour qu'on puisse avoir enfin de la Coors Light. Ouais, ouais, c'était temps. Donc, tu es à 70% ce soir. De quoi tu vas nous parler, Bruno? Ben, moi, je continue là, dans la même lignée, même pour ceux qui sont tannés, là. C'est ça, là, je cherche l'amour. On te sent un petit peu toi-même tanné de ça? On va en parler ce soir. Donc, toi, Andy, de quoi qu'on parle? Ben, ce soir, on continue à faire l'humour ensemble. On a commencé hier, on n'avait pas lubrifié, j'avais oublié. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu plus lubrifier. Oui, c'est ça. C'est, ouais. OK, on est prêt. On est tout le monde ensemble. On va voir ce que ça veut dire, lubrifier pour toi. On a les gars de Jamais Content. Hello! Gabriel, Steve, on vous avait provoqué en duel hier. Ça a été entendu de bonne main. On va péter du monde. C'est ça. Combat de blagues. On devrait c'est débuter super facile, vous allez voir. Ouais, quand t'écoutes pas les jokes de l'autre, hein? C'est Bruno dehors de l'équipe, fait que ça va peut-être être moins facile. On sait pas ça. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est vrai, sa phrase. On va peut-être avoir des surprises. Ben, c'est-tu toi qui es dans l'équipe à ma place? Non. OK, puis ou parce qu'on serait vraiment dans l'ordre. Ben, sinon, ben, on est très content de recevoir pour une des premières fois au micro Chinook de 70%. Allô? Le danseur radiophonique, natif de la région, puis tout. Juste pour vous autres. Tu l'aimes comment, ton Kraft Dinner? Je n'aime pas même un seul Kraft Dinner. Ah ouais, t'es de même, toi. Hein? Mais si je te dis de danser pendant qu'on est en train de faire de la radio, ça, danseur radiophonique, ça te reconnaît? Ah, ça me reconnaît. Hein? À fond la caisse! Ah ben, on va avoir besoin de ça un petit peu là, s'il te plaît, Chinook, pour commencer. Il a été quand même l'émission. Candidat rhinocéros aussi. Oui, oui, un candidat. J'ai presque gagné. C'est vrai. T'es passé à peine à ça de gagner. Sinon, ben, on reconnaît Fred Lacroix, notre cuisinier officiel de douteux.org. Bonjour tout le monde. Comment ça se passe par chez vous? Ben là, on s'en va de main, nous autres, c'est plat. Oh non! Ben... C'était ma semaine de séduction. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Pour ma blonde, j'ai montré c'était quoi être un Abitibien. Vous allez voir, on va vous en parler pendant un court moment plus tard. Ah ben, je suis bien content de ça. Puis Jean-Patrick? Ben moi, aujourd'hui, j'ai la chronique, comme je vous ai dit. Je voulais vous torcher à Magic. Mais là, j'ai compris que vous aviez peur un peu. Fait que vous avez pris un champion, là. Bon, on l'attend. Fait que quand il va venir, on va faire une game. Merci Jean-Patrick. On va recevoir sûrement Vincent Laflamme. Il y a plusieurs autres surprises qui vont arriver tout le long de l'émission. Mais moi, comme je vous ai dit, à chaque émission, j'étais pour vous parler un petit peu d'un band qui, virgule, si le FME existait au moment où ils étaient en train de performer, virgule, aurait fait la manchette et aurait sûrement été invité ici. Et là-dessus, ben, je vous laisse avec une petite chanson du groupe de ce soir, Paparazzi. un abus de vous. On est en 1988 et vous êtes à 70% sur les ondes de CFME. CFME 100,5 ou sinon radio.fmeet.org en ligne. On est très content d'être avec vous. Voilà. Donc, Paparazzi, un abus de vous. C'est vraiment fort. On s'en va à la chronique Love Me Tinder de Bruno en aventure charnelle et émotionnelle à Rouyn-Noranda. Exactement. Oui, donc je continue sur la même lancée qu'hier. Excuse-moi. OK. Donc oui, je suis... Je partage mes nuits en ce moment avec Andy Jacques. Donc, après deux nuits à partager une chambre avec Andy Jacques ici présent, à m'endormir au doux son de ses ronflements et de ses expulsions coloniques. La nuit prochaine, je risque de dormir complètement seul. Ça, c'est difficile pour moi parce que je ne suis pas habitué, vu ma grande quantité de blondes, pour ceux qui suivent l'émission. Là, j'ai beaucoup de blondes. Donc, pour ceux qui suivent depuis un petit bout, 70% à OFME, c'est un peu la même situation qu'avec Fred, ici présent, il y a environ 4 ans, j'ai envie de dire. Le moment de l'inception de cette chronique. À l'époque, je cherchais une fille sur Tinder pour me trouver un lit partagé avec quelqu'un d'autre que lui. Parce qu'il était le seul sur Tinder. C'est un peu la même situation année. Hein, ça n'a pas beaucoup changé. Parce que, ouais, c'est ça, Fred n'est pas tant mon genre. ce que je suis en train de dire, c'est que je commence probablement à manquer un peu de jus pour cette chronique récurrente et que je vais probablement passer à quelque chose d'autre l'an prochain. Il te reste deux soirs encore à trouver des affaires. Justement, si c'est pas demain. OK, voilà. Quand même 4 ans d'affilée, 4 shows par année sur le même thème, faut au moins m'admirer pour avoir catché pas mal plus vite que les Simpsons que Stéphanie. La différence cette année, c'est que contrairement à il y a 4 ans où je cherchais à me sauver de quelqu'un en me retrouvant avec quelqu'un d'autre, cette année, je fuis ma solitude. La présence d'Andy va me manquer. Je serai en carence d'humain. Donc, il faut que je me pogne une blonde à Rouyn. Pour vrai, je vais prendre n'importe qui. Là. déjà... Il y a un par pitié dans ses yeux. Donc déjà, là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est bien établir que je cherche n'importe qui. En général, les gens aiment ça, se sentir remplaçable. Ouais. Hein? La barre est basse. Ça prend un peu de charme. Et quoi de mieux qu'un peu de charme pour pogner n'importe qui. Hein? Donc, je veux établir que je cherche une fille avec des standards vraiment bas, qui est capable d'accepter un gars totalement pathétique. Pas nécessairement parce que je suis pathétique, mais parce que je cherche une fille qui est capable de vivre dans la misère, une fille adaptable. Oui, je comprends. Puis, continue, excuse-moi. Ouais, ouais. Donc, en ce sens, j'ai écrit une nouvelle description sur les applications de dating. Ça va comme suit. Je suis veuf. J'ai 3 enfants. J'habite Montréal dans un 4,5 avec mes 2 parents divorcés. J'adore la philatélie. J'ai un emploi de minuit à 8 du jeudi au lundi. Et le reste du temps, je suis un père à temps plein. Je cherche quelqu'un qui connaît le RCR pour aider avec les troubles cardiaques de mon fils de 3 ans au cas où je fasse une crise d'épilepsie pendant qu'il fait une crise cardiaque. Je comprends pas pourquoi ça marche. Pour l'instant, pas. C'est pas super efficace, pour vrai. Pourtant, t'es un gars à changer, je catch pas. Donc, ça marche pas. Fait que je me suis dit, bon, les apps de dating, ça marche pas. fait que... À part de ça, ben c'est ça, j'ai décidé d'organiser mon plan parce que si vous vous souvenez d'hier, j'organise un plan de vengeance pour aller voler des bijoux. Donc, oui. Je monte une team. Oui, ouais. Personne ne l'a vraiment cru, ce bout-là, de ce que non. Tu disais, par contre, mais toi, tu persistes et signes. Ah oui, oui, totalement. Ben, ça va peut-être y faire une chronique. malheureusement, il n'y a pas vraiment de guide sur Internet sur comment monter une team pour faire des vols de bijoux. J'ai pas... À chaque fois que je fouillais, ça me donnait des liens pour GTA, genre, mais... j'ai l'impression qu'il faut passer par le système carcéral pour se faire des contacts, en fait, peut-être. Mais casse-là une sienne, j'ai mis une annonce sur Kijiji à la place. Donc, mon annonce sur Kijiji, vous pouvez aller la voir d'ailleurs dans la section « Autres » dans « Communauté » sur Kijiji à Rouyn-Noranda. Donc, urgent, besoin d'une équipe d'experts. Je cherche une équipe composée de 5 femmes, soit une experte en explosifs, une hackeuse hors pair, une spécialiste en infiltration, une chauffeuse qui est capable de faire des passes de handbrake et une experte en déguisement. Moment, samedi et dimanche, les 2 et 3 septembre 2017. Rémunération, 1/6 des profits engendrés par le travail. Puis là, je t'ai rendu là, puis j'ai pas fini ma chronique. Ouais, vraiment. J'espère que t'as intitulé ça punch. Bruno et ses drôles de dames. Ben, c'est probablement comme ça que ça va s'appeler, comme sous format, quand on va être en prison. ouais, c'est ça. Ça va être brandé par les médias. Hein, ah ouais, c'est le journal. Donc, c'est ça, là, j'avais rien pour finir ma chronique. T'as-tu besoin d'un gars qui fait des sandwichs? Toi, t'as de l'air cool, toi. Aime-moi! Ben ouais, ça va vers Karen, c'est très pertinent. Merci beaucoup, Bruno. On te revoit demain pour la suite. En fait, Karen, toi, t'es non seulement une Bruno, mais t'es aussi une entrepreneuriste. Ouais, exactement. Bruno, ben l'inspiration m'est venue de partir ma compagnie de VivoSop, en fait, de planche à pagaie qui va sur l'eau. Oui. Donc, le nom parfait pour enseigner. Tout le monde... on est mieux crédible avec un nom de famille qui ça. Résonne. Bruno. Puis, c'est ça, dans le fond, service de planche à pagaie, on va sur l'eau. Les plus beaux lacs de l'Abitibi, on s'entend, sont toujours chauds. Puis, prêt à vous accueillir peut-être pour votre bonne minuit, si ça la donne, que vous veillez tard, pour voir le lever du soleil, là, si vous êtes capable d'être proche d'un plan d'eau. Allez vous baigner, c'est vraiment, vraiment plaisant. Sinon, demain, si vous êtes lendemain de veille, venez me voir au camping du lac Marlon. Je vous attends avec ma remorque. On a 13 planches. Puis, si vous voulez un petit peu essayer, découvrir. Mais comme pour dégriser aussi, l'eau, c'est vraiment parfait. Là, ça nous ça nous lave. Puis, jusqu'à l'intérieur, écoute, c'est vraiment bon. Et toi, tu as eu quand même une trail assez particulière. T'es comme allé de l'Abitibi vers l'ailleurs et tu reviens. Là. Oui, dans le fond, c'est un retour après 11 ans. J'ai l'impression de revenir de l'école, de la vie, vraiment avec beaucoup de bagages. Puis on dirait que là, ben, je peux ouvrir mes valises puis partager avec le monde qu'est-ce que j'ai dedans, puis créer des nouvelles choses. Étudier en cinéma, sinon aussi entrepreneur par le biais de ma mère, sinon aussi de la vente et marketing en yoga. Donc, c'est vraiment vaste comme portfolio pour venir. Fait que là, tu fais du yoga et de la pagaie sur des planches. Oui, exactement. On trouve un mix de tout. Est-ce que tu es sur Tinder? Trouvais... Oui, moi, c'était plus... Est-ce que tu es sur LinkedIn, en fait? C'est parce que tu trouvais qu'il manquait des affaires sur ton profil LinkedIn? Ah, ben là, ça me prend quelqu'un qui gère tout ça. Écoute, on reconnaît nos lacunes en tant qu'entrepreneur. T'es pas bonne en LinkedIn? Non, je suis pas bonne en LinkedIn. Ça, c'est pas bon, puis... ça. Mais je suis bonne ailleurs, mais ça, LinkedIn... Si on veut se tenir au courant, c'est sur Facebook. Ah, Facebook, c'est vraiment le meilleur réseau pour venir me contacter. Écoute, il y a vraiment toute la liste des services qui reste à venir. Par exemple, demain à 2h, puis dimanche aussi, vous pouvez venir avec votre gang d'amis pour venir faire de la planche à pagaie au camping. Et le site sur Facebook, exactement? C'est VivoSup, S-U-P. V-I-V-O-S-U-P. Oui, exactement. Et voilà. Merci beaucoup, Karen. Ben, ça me fait bien plaisir. Là-dessus, merci on s'en va en musique. On va écouter un petit peu de Paparazzi et on revient avec notre édition du vendredi du Combat des blagues avec les gars de Jamais Content et 70%. Vous êtes à CFME. On aime ça. On aime ça. Paparazzi. Avec le duo qu'on a de danseurs. Ah, c'est capoté, c'est capoté. Il y a des gens qui ne sont pas au FME ce soir. Tant mieux parce que la planète balancerait d'un bord de ce que j'ai entendu dire sur Internet. Est-ce qu'on en reparle? Et donc, voilà, c'était une chanson de Paparazzi. On en a d'autres qui s'en viennent. On veut vraiment découvrir ce groupe-là, s'en rappeler, s'en souvenir. Oui, hein, on n'est pas à 70% pour rien. Et d'ailleurs, on débute notre deuxième édition du... concours de blagues. Le concours de blagues, oui. Hier, on a gagné, sauf qu'on a perdu. Ouais. Mais dans notre cœur, on a gagné et c'est ça qui est important. Et là, ce soir, c'est les gars de Jamais Content qui sont en compétition pour que le dernier show le de Jamais de Content... Michel Boulay était bon. Oui, le but de Michel était bon. C'est Alain Côté. Le rire. Le rire de Michel Goulet. Attends, c'est qui, là? C'est qui joue pour nous autres? C'est qui joue? Là, pour ce soir, c'est jamais content contre vous deux. Ah ouais, on joue encore ce soir. Ben ouais. Je pensais qu'il était benché. Tu joues, Bruno. C'est fait, là, ce match-là. Bon, ben, OK, je vais en avoir quelques-unes de back. On rouvre les paris. Il n'y a pas trop. OK, bon, ben, Bruno. C'est quoi ça? Ben, je vais pas, je vais donc, pas vous savez comment ça marche? Hier, il y a eu comme de la bisbille. Ouais. Si tu démontres que tu es content, là, à partir de maintenant, ça donne un point force à l'autre équipe. Content, on n'est jamais content, nous autres. Ben, ouais, notre force, apprenez à l'être. C'est ça. Non. Tu peux être content de ne pas avoir à être content pour gagner la compétition. Ici, je le vois dans tes yeux, ça donne un point aux autres. La première équipe à 3 points. On gagne. On let's go, trop, messieurs. À cause hier, on va lancer. C'était tellement long qu'il a fallu descendre à 3. On va lancer Nounours. Non, mais je pense que si je suis un petit peu plus sévère et que le monde ne gèle pas, on peut avancer. Je lance Nounours. Quelqu'un l'autre qui s'offre. S'il finit avec les yeux vers le haut, 70% commence. C'est vous qui commencez. Vous commencez. Donc, jamais content. Ben oui. Le plus qu'on peut, on va débuter ça avec tranquillement. Qu'est-ce qui fait pou sur une cloche? Je sais pas. Pudding. C'est vrai. Ça fait de sens. Ça commence vraiment. Pourquoi les Montréalais couchent-ils avec leur fusil? Pour pas tirer leur couverte quand ils ont froid. Ah, je pense que ça, c'est le monde de Québec. Sensé, garde. Comment est décédé le boucher? Je sais pas. Deux ballonnés. Ok, Bruno. Je vais essayer de m'en rappeler. Là, on vient de la raconter. C'est quoi la différence entre s'écarter et s'écartiller? Je sais pas. Si le petit chaperon rouge était écartillé à la place de s'écarter, elle se serait peut-être faite manger, mais au moins elle serait pas morte. Oh, déjà on est dans la zone. Ok, on contre-attaque. C'est une fois une fleur qui court puis qui se plante. Ok, next! Non, ça. Je pense à nous autres, hein? Non, ça. Ouais, ça nous autres. Deux nigos conversent. Tu crois que la lune est habitée? Ben oui, tu vois bien, il y a de la lumière. Deux Montréalais. Ouais, deux Montréalais. On s'excuse pour les nigos. Ouais. Ouais, ouais. Next! C'est quoi une lesbienne sans poitrine? Oh. Ça va pas bien aller, vas-y. Une omoplate. C'est niaiseux, Calis. Okay, next. Ça fait quoi un Chinois qui tombe dans la mer rouge? Ça fait plouf. Oh! Il a démontré de Il était presque. Oh boy. Sur ce, c'est quoi le nom de la grand-mère à Ben Laden? Mamie Traillette. T'as comprends-tu? Bruno, il adore les jeux de mots, en plus. Ça prend combien de Montréalais pour pêcher dans un lac gelé l'hiver? Je ne sais pas. Ça en prend 5. Un pour faire le trou dans la glace, puis 14 pour pousser la chaloupe vers le bas. Ça me surprend. Ouais, je sais. Ton niaiseux, les Montréalais. Ils sont vraiment épais. Là, tu skips des jokes, là. 1 à 0! Hein? Qui c'est quoi? C'était comme en deux. Ah, mon Dieu, il rit, ok. Non, ouais, mais ça compte, c'est un problème. À partir de maintenant, dès que. C'est ça, c'est n'importe quand. J'ai failli vous donner un point parce qu'ils ont manifesté vraiment beaucoup de joie. Ils ont eu du fun, eux autres. Oh, un point! Yeah, baby. Quand l'arbitre fait des jokes, ça compte aussi? Ben oui, il me l'a dit. C'est là que ça compte le plus, même. C'est bon. C'est là que ça compte le plus. C'est à qui je la pose, là? C'est une à eux autres. Ouais, ouais, ben on est deux. Quelle partie d'un légume ne fit pas dans le blender? Je sais pas. La chaise roulante. C'est pas fin. Tu y vas, Benoît. Benoît, les Montréalais de bord. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas. T'ouvres l'eau chaude puis l'eau froide, tu checks Saint-Tiède. Ouais, comment communiquent deux abeilles? Paris, miel. Oh, ouais. C'est vrai, c'est pratique. Ouais. C'est une joke contemporaine, hostie. C'est un Montréalais qui est arrêté un feu de circulation puis un gars qui écrit sévère. Le Montréalais répond pas, le gars il dit « C'est vert! » Puis là, c'est à ce moment-là que le Montréalais dit « Ah, une grenouille. » Mais il est de même, lui. Qu'est-ce qu'une grenouille, en fait? Ouais. D'où vient la grenouille? Pourquoi la grenouille? Est-ce qu'elle a réussi à passer Quand à travers la rue? Que c'est la grenouille? La exactement. Que bondis-je? Que bondis-je? D'où viens-tu, verge? Je crois que je... Ouais, ouais, ça va glisser, ça. Qu'est-ce qu'un Mexicain dit quand il va faire du lavage? C'est sale, ça. Oh! Oh! Oh! Oh! Il y a eu un sourire. Mais... Point, point, point! Je pense que c'est à toi. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est à moi. T'en as une, vas-y. Sale, ça. Il a influencé le fun, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est un anamatop. J'en ai pas vraiment. Non, non, vas-y en premier. Bon, OK. Sais-tu pourquoi que les plongeurs se jettent par en arrière quand ils font de la plongée? Parce qu'ils tombent dans le bateau par en avant. T'as pas le droit de donner la réponse. Ah non. Trouve des meilleurs jokes. Ouais, c'est ça. Oh. OK, next. Comment t'appelles ça, un noir astronaute? Un noir, est-ce-tu de raciste? Ah, il est allé là. Moi, j'aurais dit un astronaute, est-ce-tu de raciste, par exemple? Aïe, je me suis fourré. Mais j'ai su garder mon calme. OK. Cinq marins sont tombés à l'eau, mais un seul s'est mouillé les cheveux. Pourquoi? Les quatre autres étaient chauves. C'est plus comme une énigme. Hey, c'est vraiment pas drôle. Ça, ouais, ça c'était. C'est une nouvelle histoire drôle. Ouais, c'est ça, c'est ton arme secrète. Ça paraît. Je m'ennuie des c'est quoi la hein? C'est quoi la différence entre un scout et un juif? La sorte de camp. Oh. Vas-y. Non, mais c'est parce que je suis juif, là. C'est vrai, c'est tant mieux. Illique. Je suis circoncis, moi aussi. Comment t'appelles ça, un bûcheron pas de hache? Un gars pas de job. Faut que j'arrête de te les brûler ou... Non. Okay. Change de page, on les a toutes lues quand on faisait nos recherches aux autres. Mais il l'a fait tantôt, c'est notre show, ça, qui arrive. Aussi. Ah, ben là. Ben, c'est quoi, c'est un? C'est un bûcheron. Ouais. Mais il y avait comment, en tout cas, deux layers, là. Compliqué en esti show, là. Qu'est-ce qui est mieux que gagner une médaille aux Jeux paralympiques? Avoir des jambes. Donc, j'en ai plus beaucoup, là, moi. Ouais, mais moi non plus, on fait deux soirs qu'on fait. C'est bon. Encore loadé, nous es-tu, autres. Es-tu allé au mariage des deux antennes? Non. Non. La cérémonie était un peu plate, mais la réception était excellente. J'en ai quelques-unes, je vais embarquer avec l'équipe 70 pour ça. Ah, bon, merci. Attends, c'est pas à nous autres. Non, c'est à nous autres. Ouais, c'est à mon tour. C'est à toi, mais quand vas-y, tu ris, quand tu ris, ça compte. Ouais. C'est quoi la différence entre Paul Walker et mon ordinateur? Ça fait chier quand mon ordinateur il crache. c'est deux saucisses dans une poêle. Il y en a une qui servait, puis elle dit à l'autre, « Ouais, hein, adieu, je pense que c'est la fin. » On va se faire manger. Puis l'autre a dit hein, une saucisse qui parle. Le moment préféré d'un pédophile au hockey. Tout ce qui se passe avant la première période. Oh. C'est profond. Hein? Oh. Pas tant que ça. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle le Mike à Rouyn-Noranda? La petite Italie. Elle est bonne, ça, là. Pour vrai, c'est chiant. Tommy, sais-tu pourquoi Stephen Hawking ne fait pas d'humour? Il n'est pas capable de faire un stand-up. Il y a du plaisir, là. C'est pas faux. C'est qui arbitre, là, quand tu fais des jokes? Je pense que c'est nous autres, là. C'est le groupe, c'est pas clair, là. Hey, check là-bas, des chevals. Ben non, on dit des chevaux. Ça ressemble vraiment à des chevals. J'ai failli l'écrire, elle. T'as bien fait de pas le faire. On a donc un gagnant. Tu veux qu'on en présente combien des hosties d'émission? Ça veut dire que dimanche, on s'en ligne vraiment. 70% va être une présentation de hors pair et de jamais content. Écoute, on vit vraiment à fond la caisse. Bon d'ailleurs, match. Je me suis retenu très fort. Ah oui, il y avait la qualité. Cette compétition qui est allée jusqu'au 100. Je pense qu'on mérite un petit Eustache Paulin pour se rappeler la volonté de... Et donc, on est à 70%. Au retour, on va sûrement tranquillement parler de Paparazzi. Quand est-ce que la planète a canté à l'Antarctique, le froid nous a surpris, on n'a pas pu s'envoler. J'aimerais d'être un oiseau pour m'envoler, mais je suis pris ici pour le reste de ma vie. On est des manchots royales, majestueux. On est des manchots royales, majestueux. Vêtu d'une tunique noir, il est si bon à regarder, il est le plus beau spécimen. La maman prend des marches autour de son village, cherchant un bon mari pour prendre garde de son petit. C'est le papa qui accouche. L'Antarctique, c'est un nid d'amour à eux seuls. Leur chanson, c'est le grand vent qui siffle du nord. De température. Il y a-t-il de la vie sous le lac Bostock? C'est un secret qui est bien gardé par les pingouins. C'est effectivement la voix sensuelle de Maurice Starr, leader et probablement unique membre de Paparazzi. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est notre bande qui a été choisie de la soirée. Avant d'aller avec d'autres invités spéciaux, mon cher Bruno, t'as dit que tu voulais faire un retour. Juste que je remarque qu'il y a beaucoup plus de spécimens féminins dans la radio en ce moment. Donc peut-être que mon appel à tous a fonctionné. Je ne sais pas si c'est ça qui se passe. Et voilà, t'as peut-être la femme de... Faites un rang, mesdames. Bruno va aller tester. Oui. Oui, merci beaucoup. Sinon, vous êtes à 70% et on est très content de recevoir Dr. V. Bonsoir. Ça va, Vincent? Oui, vous autres, gang de nerds! Je suis comme à la console à marche. On arrive. On n'est pas prêts. Qu'est-ce qui se passe? T'as traîné tout ton crew, là? Oui, on se prépare pour le petit concert d'Arrivée le tantôt. Ouh, à quelle heure? On va dire à 10-11h à peu près. Un concert de quoi? Est-ce qu'il va y avoir de la musique? C'est-tu dans le cadre du FME? Non. Oh non! C'est en même temps. Est-ce que, mettons que j'amène un 20$ puis qu'il y a un album, c'est-tu comme une équation qui se peut, ça? Oh oui, on peut t'arranger bien les affaires pour 20$. C'est bon. J'ai entendu dire que vous aviez des t-shirts aussi. Oui, deux modèles. Il y en a un qui s'en vient. On ne sait pas encore, on va les avoir tantôt, juste avant C'est important de parler d'eux autres. Oui. C'est bon. C'est les qui sont pas là. Ah oui, ils vont arriver avant le show. Parce que c'est dans pas long. Là. Si tu me dis minuit, c'est dans 3h30. Oh oui, j'ai pas de stress. T'es pas stressé avant le show, toi? Est-ce que t'es du genre à aller faire caca avant un show? Il y en a beaucoup qui font ça. J'y étais à matin, Jack était pas content, il trouvait ça se chlingue un peu. On salue. On se gardait une petite gêne. Ben oui, c'est sûr. Il reste encore un peu de ça. Oui, j'aimerais ça aussi profiter de l'occasion pour saluer Gratz qui a pas eu sa libération. Alors si tu nous entends, on est tout cœur avec toi. Et puis, je voudrais saluer mon frère qui, lui, a eu sa libération. Alors, Philippe, si tu nous entends, viens voir le show dans Ruelle tantôt. Là. All right. C'est comme re-bienvenue dans la société. J'ai entendu dire qu'il y en avait peut-être un demain aussi, c'est-tu vrai, ça? Oui, on est supposé jouer dans le petit salon de barbière là, à côté. Là. Mais okay. Ça va être jump-pack du colis. Ça n'a pas de mot du bon sens, faire un show là-dedans. Tout ce charisme, à un moment donné, il faut endiguer ça, là. C'est des gros mots. Non, c'était bon. C'est bon, parfait. Et sinon, t'es flanqué par Frank Pocket. C'est quelqu'un qu'on connaît. Tu le laisses être dans ton entourage ou les deux vous vous entre-aidez, genre? Il m'appelle Papa. C'est boy, hein? On est comme deux frères de la main. C'est bon. Vous avez déjà fourré la même main, les deux, c'est ça? Non. Ah, ok. Tu sais que tu vas chercher ça. Non, mais j'essaie de chercher le chemin de réflexion qui mène à ça. Frank, toi, t'es là pour pitcher ton show. Let's go. Tu fais le crachoir. J'ai entendu dire que t'as des opinions sur des sujets des fois. Oh, oui, il paraît même que j'ai des auditeurs, quoi, là ou non. Mais ouais, je fais de l'opinion là-dedans. Ce que j'ai pas mal tout le temps fait dans ma carrière radiophonique. Mais disons, je le fais plus relax qu'à Radio FM. Disons, on fait du divertissement avec l'actualité plutôt que d'essayer d'informer les gens. Oui, ça peut arriver que je glisse une information par erreur, mais non, on s'amuse, on discute de l'actualité, puis ça peut virer à n'importe quoi. Des fois, ça vire carrément en chicane avec ton fabuleux cousin. Ben oui, Martin Godette, lui, on l'aime. Là. Il a dit qu'il était pour peut-être passer, mais tu sais, dans la Godette-faire, il se passe tellement d'affaires. Oui, d'ailleurs, il s'en passe pas mal aussi parce que là, lui, il était à la tête de production podcast, que, évidemment. Pour le connaître ici. Ben puis, on est là-dedans. En tout cas, là, on a signé un papier. On a-tu signé un papier? On a vu un papier, en tout cas. J'ai déjà vu ça. Sinon, c'est très bien imité, fait que la job est faite. Et voilà. Puis justement, Martin qui quitte la co-animation du crachoir, dans laquelle il faisait une chronique de lutte vraiment sacoche. Tu sais, moi, la lutte, j'ai toujours considéré que c'était de la merde, que c'était pour les enfants, mais... Quand lui en parle, je trippe. Fait qu'on s'est dit, Chris, pourquoi pas un podcast de lutte? Ouais, je comprends. Ben oui. Le monde aime ça, j'ai pas encore compris pourquoi. Mais on n'est pas payés, nous autres, pour essayer de comprendre pourquoi. Là. Pardonner au monde. Là. Mais ceux qui aiment ça, ils peuvent entendre le malheur en parler. Ça s'appelle le corps. Exactement ça. Et là, j'ai remarqué que tu as amené une dame à ta gauche. Oui, qui prend la relève de Martin à la co-animation du crachoir. On se partage-tu le micro? On se partage le même micro. On se partage bien l'autre. Ben ouais, tu peux prendre l'autre. Chinook, il y a trop dansé. Moi, je triple des écouteurs, puis ils marchent. Tabarnak! C'était tout à ta disposition depuis tantôt. En merci, je faisais massage, j'attendais l'invitation. Oh, ben oui, c'est sûr. C'est elle qui remplace Martin à la co-animation du crachoir. Tu parles de lutte, toi. Ouais, j'aime bien Undertaker. Ces petites bobettes, là. Mm. Bobettes, de bobettes, des des pieds. Bobettes, pantalons, peu importe, je suis pas difficile. Qu'on parle la bonne affaire, Ali. On va bien s'entendre, toi puis moi. Ah, on va bien s'entendre, ouais. Certain. J'aime bien tes lunettes en passant. Ah, mais merci. De rien. J'aime bien être. Le noir, ouais. C'est beaucoup noir, hein. Ouais, j'ai quasiment l'air immo, Chris. J'ai pas fait exprès. Je viens de me teindre en plus. Mais anyway, non, je parlerai pas de lutte. M'a parlé sûrement de chronique culturelle, de musique. Moi, je suis une grosse fanatique de rock. La musique à mon père. J'ai donné un mandat de faire des entrevues. J'ai hâte de voir qui elle va nous apporter. Mais elle était déjà dans la famille de production podcast parce qu'elle animait le podcast de Guitare du Monde qui va avec le festival. Ah, c'est Stéphanie, toi? Oui. C'est moi! Stéphanie Dubuc, Nini Tornade, Lad Dubuc. Dans Guitare du Monde. Elle a plusieurs noms dépendamment de ce qu'elle fait. Si elle a une guitare dans les mains sur un stage chez Lad Dubuc, au micro, ça a été Nini Tornade à Radio X un bon bout de temps, Capital Rock. Puis là, ben là, ça se dépend. Comment tu veux t'appeler dans le show? Ben, ça dépend. Quand je danse, j'ai pas vraiment de nom parce que je danse mal. Madame Tourniquette. C'est bon, ça? Nini Tourniquette, c'est cool, ça. Mais ça devrait être pas pire, là. J'imagine. Je suis vendeuse en crise. C'est chaud, hein? Ça, va bien, ça donne le goût. Ça convient aussi. Ouais, ouais. Ouais, ben, sinon, ouais. C'est un podcast. Ça coûte jamais bien ben cher à downloader puis à essayer au moins une fois. Non, c'est ça. Voilà. Puis, puis ceux qui connaissent, mettons, un peu mon style, ben Nini, c'est un peu comme mon style en pire, tu sais. Fait que ça, elle va plus loin, plus rough, plus moins de lubrifiant. Tu sais, plus longtemps. Plus longtemps. Tu sais, c'est comme une version. C'est comme une version x10. Moi, c'est, je deviens trouver là pour la tempérer. Là. Est-ce que vous aimez ça, Paparazzi? Ben donc là, on écoute le crachoir sur les sur production podcast. Sur iTunes, tout bon podcast. Vous en, facile en sortez à trouver. Un par semaine à peu près. Oui, on recommence la saison 2 justement avec Nini. Et plus important que ça, apportez vos 20$ dans la ruelle en arrière pour le show à Dr. V. Nouvel album. C'est ça, c'est pas vos 20$ qu'on veut autant que le monde, mais il va y avoir des albums et des t-shirts à vendre. Fait que... T'as-tu un coupon, man? Oui, on va te trouver ça. Merci, Dr. Délica, d'être venu. T'es dû pour te trimer, toi. Ça fait mal les solos. On écoute un petit peu de Paparazzi, puis on vous revient à 70% sur les ondes de CFME 100,5. Nook, Blais, le Duc, le danseur radiophonique, on applaudit, s'il vous plaît! Push it, push it, push it! Faut dire qu'il n'y a pas l'air d'une mouboune. Melvin. Melvin. Bonsoir. Melvin. Hey, salut Fred. Comment ça va, Tommy? Ça fait longtemps. On se voit même pas à Montréal. Ça, ben, on ça, même t'es pas tellement occupé tout le temps. Mm. Ben là, ça se Mais toi, d'habitude, quand t'as une blonde, on te voit jamais. Oh! Ah, oh, ben! Et d'ailleurs, la voici à côté de toi. Allô? Ben oui, t'as amené ta douce. Ben oui, c'est ma merveilleuse douce montréalaise. Je l'excuse. Bon. Fait que j'ai amené ma blonde en Abitibi. Ah, ouais. C'est... Je pensais que c'était comme concept. Non, c'était. Parce qu'il a oublié de baisser son son. Ça a été un petit peu insultant de concept. Donc, fait que, ben c'est ça. J'ai amené ma blonde en Abitibi pour passer la semaine. Malheureusement, on s'en va demain. Mais bon. J'y ai fait vivre la vraie expérience abitibienne que tous les Abitibiens font tous les jours, tout le temps, là, on s'entend. Comme brasser regarder son la thé. TV, genre. La mettre ouais. enceinte. Quoi? Non, non, la vraie de vraie expérience épique vous ultime. Tout ça? Manger, c'est je m'arrache. Ben, c'est en haut, 25 ans, t'es enceinte. Ça, métro, non, il n'y a pas de métro ici. Laisse faire. Métro, boulot, dodo, mais mettre enceinte, dodo. Il y en a, dodo. Mais c'est une épicerie. Là. Ah, c'est ça. Oh, OK, OK. Ben oui, fait que c'est ça. Nous autres, on a débarqué ici, puis bon, Frédéric me fait me faire vivre l'expérience abitibienne et son frère Martin, qu'on salue s'il nous ouais, écoute. Ouais, merci beaucoup Martin, qui nous a charroyé à grandeur de l'Abitibi, mon gars. En bateau, en avion, en hélicoptère, en tank, toute la patente. Ouais. La vraie en expérience abitibienne. Oh, oui. En tank. Comme une vraie Montréalaise, je n'ai pas de permis de conduire, pas de voiture. Donc lui, nous a trimballé à travers l'Abitibi. Fait qu'on avait pensé peut-être faire jour pour jour qu'est-ce qu'on a vécu oui, la vraie expérience. Fait que vas-y, Fred. Bon, ben, au début, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai texté Tommy dans le char. Ils sont où les hosties de chute du lac Le-Roland? Ah, j'ai le droit de sa grand-mère, ça. T'as crissement le doigt. OK, mais parfait. C'est sacrément pas bien vu. Non, je sais, parce que... Mais on s'en calait. Fait qu'on est arrivé là, puis il y avait des barrières. Ouais. Y avez-vous été, vous autres? Ben, on nous avait dit qu'il y avait une tornade qui est passée. Ouais, nous autres, c'est ça, c'est une tornade. Nous autres, on a essayé de s'arrêter à la forêt enchantée. Ouais, puis, on a dit, on peut-tu aller se promener dans les sentiers? Puis il a dit, c'est fermé, il y a eu une tornade. Exactement. Puis on a dit, on va aller au lac Roland en place. Puis il a dit, il y a eu une tornade. Que ça a l'air qu'il a détruit le pont. Nous autres, c'était des rénovations, fini fin août, il y a une grosse barrière. Parce qu'il y a eu une tornade. Parce qu'il y a une tornade. Ben, on a juste passé en dessous de la barrière. Ah ouais, on n'a pas fait ça. By the way. En dessous de bref, la barrière. Bref, on a passé en dessous de la barrière. On n'a pas fait le sentier parce que ça avait l'air vraiment casse-cou. Le pont, tu le regardes puis il se détruisait d'une ouais, shot. Ben, voilà. À cause de la tornade. Probablement c'était une tornade. Moi, si là, je le mettais, ça à la faute de quelque chose, en tout cas. Ça, c'est une tornade. Somme toute, de belles chutes, quand même. Ouais, là, c'est fucking beau. Sérieux, continue c'est fucking de chuter, beau. Cette chute-là. Ouais. Tornade, pas tornade. Là, hein. À date, la chute a le dernier mot, en tout cas. Oh, vraiment. Ça a tout chuté. Bref, très belle chute. Ouais. Oui. Après ça, ben, on continuait dans le parc. C'était long en esti. Puis finalement, Andréane, elle s'est endormie juste au beau moment du parc où il y a plein de lacs. Tout le beau coin. Elle, elle s'est endormie toute cette bout-là. Okay, elle s'est réveillée, elle a repogné les épinettes. Elle a fait comme moi dans le parc. Elle a dormi son parc. Ouais, là. Ben je pensais que vous pourriez compatir. Ouais, oui, il m'avait dit que toi aussi, t'avais trouvé ça long. Il me dit, OK, c'est long. Fait que là, je me mets. Oh, mais moi, je suis habitué. Je suis capable d'éviter le cauchemar parce que quand tu dors dans le parc, automatiquement, tu ouvres la porte au cauchemar. Là. Comme, juste faire attention. Mais, la façon qu'on t'a réveillé valait la peine. Quand ouais, même. Quand même. C'était-tu des cauchemars vaudous amérindiens? Non, mais c'est parce que je suis capable de conjurer l'anticauchemar. En tout cas, c'est OK, bon, bref, on va question faire ça. On en parlera tantôt. Ouais, là, c'est bon. Tourneras. Fait que ouais, je m'endors une heure. Je m'endors une heure, je me réveille et on est encore dans le parc de la Vérandrie. Oui, surprenamment. Ouais, une heure, c'est pas... C'est bon. Ouais, il en reste encore une coupe. Ouais. On finit par arriver chez Martin. Donc, on s'attendait à avoir un petit lit à deux. Un matelas gonflable de quoi? Mon frère en avait trois. Les trois, les souris ont passé dedans dans la chaîne. Fait que moi et Audrey-Anne, on dort dans des lits d'enfants séparés. Avec un enfant dans le milieu de la chambre. Ben, c'est cool, ça. Ça m'excite un peu, ça. Ah, ben, c'est l'aventure abitibienne, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Vivre en couple à côté d'un enfant, c'est très habitué. Je suis quand même déçu que la patte patrouille se soit rendue jusqu'ici. C'est surprenant. Hey, 20$, 3 cossins de plastique, on a vu ça au magasin. En tout cas, bref, on s'égare. C'est pas cher. Bref, on c'est s'en vrai. Va à l'abstracto. Ouais. Moi, je dis, si je connais plus un chat à Rouen, c'est pas vrai, ils sont et tous puis là. Finalement, j'en connais encore 2000. Ah oui, Verge travaille encore dans ce coin. Ouais, ouais, toute la patente. Salut, Verge. Salut, Verge. Ouais. Virgile. Virgile, ouais. J'ai quand même trouvé le moyen de connaître une personne à l'abstracto à la première soirée que j'arrive. Puis attendez, là, ça fait très bien. La fille, son chum. La fille, son chum. Ouais. Sa belle-mère à ce chum-là, ouais. C'est l'ex-belle-mère à Frédéric. Oh! Et voilà. C'était assez épique. J'étais assis avec plein de monde, puis mon ancienne wow. Ancienne ça belle-mère. Tableau. Salut Lorraine. Tout est dans tout, guys. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Surtout en Abitibi. Ouais. Particulièrement en ouais. Abitibi. Ouais. Fait que c'est ça. Deuxième jour, on s'en souvenait plus trop. Là. On a gossé un peu. C'était pas marquant. Audrey-Anne m'a pété à la gueule au Scrabble, genre ouais. 6 fois de fil. Ouais. À minuit, c'était ma fête. Sylvain à l'abstracto nous a donné des shooters. C'était bien gentil. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Ensuite, jour 3. Fête à Fred. C'était ma fête. Ouais, ouais. Fait qu'on se promène sur le bord du lac Ossico toute la journée avec son neveu. Et le soir, on s'est dit, bon, ben, des lits d'enfants le soir de ta fête, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on se paye un hôtel. Ouais. Ouh. Question de sucer. Fait qu'on a fait des affaires d'adultes, puis finalement, on s'est payé. Ah ouais, à vos impôts, puis tout. Là. Ouais, ouais, ouais, puis cool. Tu avais rejoué au Scrabble encore. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, le soir, Fred, il avait envie de boire. Fait que lui, il est allé boire, il est allé se faire payer des shooters. Moi, je me suis dit, tant qu'à louer un hôtel, quand est-ce qu'on loue un hôtel, sérieusement? Elle était j'en ai profité. J'étais allé prendre un bain avec du Lorelai McKinney. Chris, la totale. Puis après ça, j'ai écouté la télé. Ah, ça, c'est Thérèse Abitibien. Hey boy, hein, c'est la télé. Ouais. T'as regardé quoi, TVA? Ah, je les ai appelés, là. Ah, okay. Je les ai appelés. Mais genre, comme t'as passé du temps sur TVA. Là. I guess. Ah, là, okay, sérieux. J'étais allé au feeling. Je parle sérieux. Un peu de TVA, un peu de Youpi, un peu de... Non, c'est Youpa. Youpa. Youpa. Ça, eh boy. Ah, je décrochais pas de la chambre d'enfant. Chris de change, j'étais pas là. Fait qu'un beau petit dodo, c'est bien. Ouais, moi je suis revenu super raide. Tout le monde m'a payé plein d'affaires. Je pense qu'on a honnêtement un problème d'alcool. Oui. Ouais. On est rien qu'à la troisième journée. Là, on a brossé à tous les jours à date. Oui. Ouais, mais vous êtes en Abitibi. Ben, c'est ça. On se dit, on vient à Montréal, on commence l'école, le travail. Ouais, on va se calmer. On se torche. On se torche. C'est ça. On se torche. Ouais, ouais. Solide. Fait que jour 4, c'est le début de mes aventures de Daniel Boone. Donc, je me suis auto-proclamé Boonette. Elle était pas pire en Boonette, en plus. Ah ouais. Melvin, Melvin. Bref, son frère nous a trimballé sur le lac Prissac. Ouais, c'est le lac où ce que mon grand-père avait un chalet. On a même versé une petite gorgée de bière dans le lac. Au spot à mon grand-père. Tu sais, c'était épique, là. Ah ouais, hein? Ouais, finalement, on a pogné un petit poisson moche gris, genre, qu'on a juste ressacré à l'eau. C'était comme... On salue. Ouais, salut. Poisson, salut, poisson. Ils ont percé l'œil. Non, total. Il n'a pas percé l'œil, il s'est percé l'œil de ça. J'ai des photos, Fred. Ben voyons. Finalement, après, ben, j'ai repogné un petit doré. À peu près, genre, gros de même. Vous voyez bien dans la radio. Même, là, pour le, pour les, exactement. Comme ça, là. Pour les auditeurs à la maison. Hein. Et voilà. Fait qu'on est arrêté sur le bord du lac. On a pogné du bois mort. J'ai arrangé le poisson. On l'a fait cuire. On l'a mangé à trois. Ça a fait à peu près deux bouchées et demie chaque. Mais c'était pour le thrill de Boonette, là. Guys, vous auriez dû voir ça. Les deux frères Lacroix qui sortent du bateau, ils savent tellement quoi faire, sérieux. L'un, ça va dans le bois. L'autre sort sa hache. Pète un arbre pour faire comme un genre de pit pour mettre un feu de cuisson. C'était très beau à voir. C'était très beau à voir. Ils savent quoi faire, les Abitibiens. Merci. Ouais, ouais, ouais. Montreal approve. J'ai découvert quelque chose aussi. Bon, il y a de la mouche, hein, en Abitibi. Oui. C'est excellent de se traîner avec Fred en Abitibi avec des mouches parce qu'ils vont toutes sur lui. Mmh. Fait que je me suis ramassée avec deux piqûres de mouches. Fred, à peu près 13 000 énormes. J'ai encore des cicatrices. Il me pique encore les tabarnak. Oui. Bon, après ça, on était se coucher parce qu'on était fatigué. T'es fatigué. Ouais. Ensuite, mon frère, super gentil, nous trimballe jusqu'à Ville-Marie. T'es mangé des roteux puis la chocolaterie Martine. Après ça, on a visité le Fort Témiscamingue. On était bien excités quand même. C'est vraiment, vraiment cool, ce site historique-là. Je sais pas si le monde y a déjà été à l'école de force. Ah non? J'allais pas à l'école en Abitibi, moi. Continue. Fait qu'on visite ça, on écoute un film des années 70, c'était fucking épique, man. Des gars en bédaine qui se promènent en canot, puis ça avait l'air assez intense, pareil. En tout cas, bref. On s'est déguisé, whatever, puis c'est mis à mouiller, fait qu'on n'a pas rien pu visiter, finalement. Fait qu'on est allé boire. Puis manger une bannique au restaurant La Bannique. Puis c'était vraiment excellent. Attends, j'ai entendu, on s'est déguisé. Ouais. Des peaux puis des costumes d'époque là, typiquement abitibien. Je sais pas ça ce qui traînait dans le rack. Ça traînait dans le rack, c'était tout trop petit ou trop grand là, tu sais. Pas en train de nous niaiser, nous autres. Ah tabarnak. Non, on s'est déguisé. Ben non. En Abitibi, on fait comme les Abitibiens, on se déguise. Ben oui, c'est ça. Bon, après ça, Audrey Anne était smart. Elle a sorti la belle-sœur parce qu'elle a capoté, elle était pognée avec les enfants depuis un bout. You kid, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie d'aller faire la fête. Ben ouais, Je dis, ah ouais, bien, c'est la belle-sœur, on s'en va, on va aller danser. Finalement, bon, on s'est ramassé au cab, mais on te saoule. Fait que ça fait la job quand même de sortir un moment. Bon. Ça, c'est quand? Ça, c'est hier, ça? Ouais. Ouais, vrai de ça. On a amené Boonette dans le bois, tirer du gun. Hein? Hey, ça, il y avait tellement d'émotion que j'ai vu une petite larme sur le bord. Ah, fait que tu t'es trouvé une nouvelle passion, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est de l'adrénaline, veux, veux pas, cette affaire. Il y a des gens de tir à Montréal que tu peux. Ça existe. Mais ça m'intéresse pas, les guns. On dirait que j'associe ça redneck total, mais. Ben, merci, ouais, la belle. C'est une expérience. Écoute, j'ai jamais tenu de gun. T'as envie de le refaire? Hey, on a... je me suis acheté un gratteur de gagner à vie. Qui... Hey, moi aussi, ça j'ai fait ça. Je ne l'ai pas gratté encore, c'est vrai? Par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, il était perdant à vie. Ouais, ouais. Ouais, les autres, ils étaient perdants à vie. Eh ben. Fait qu'on a tiré du gun dessus. Eh oui, vous avez tiré du gun, ça. Fuck off! Ben, écoute, je vais gratter le mien. S'il est perdant à vie, je te le donne, tu peux tirer du gun dessus. Hey, ouais. Ça, c'est courageux. Mais je te le donne juste si tu vas tirer du gun dessus. Ah, ben là, si on repart demain. Ouais, c'est ça, ils n'iront pas. J'irais pas m'acheter un gun juste pour ça, là. Ah non? En tout cas, on va avoir eu du fun pareil dans l'univers qui a été créé si peu longtemps que ça. Ouais. De Bruno ou son ticket qui sert à rien et détruit à toute carabine. Fait que bref, on a cueilli des bleuets. Hein, oui. Ben oui, on a mangé de la perdrix. Mon grand frère, mon petit frère, il en restait encore un peu dans le congèle. Après ça, on est venu se torcher Malsalcite. Au FME, je parle. Ouais, bien sûr. Oui. Super cool party, ouais. En Abitibi. Le show de Tribe Called Red hier était très bon. C'est un band que j'adore, bravo. Ouais. Fait qu'on s'est réveillé un matin. Asti qu'on avait de la misère. Avec les enfants, on suait assis dans le salon, genre en tremblant, en buvant notre café. Et c'était la fête à mon petit neveu, Logan. Bonne fête, Logan. Bonne fête. Mm-hmm. Ouais. Shout-out à Logan. C'était vraiment très approprié comme deux bons adultes responsables d'être complètement lendemain de brosse. Dans une fête d'enfants. Bon, c'est brossé les dents, fait que c'était moins épais. Ouais, on est nice. Une fois de temps en temps. C'est un conseil à souvenir. Brosse-toi les dents. Fait que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis on est ici, puis on est content. Bien content. Oui, on a compté notre histoire d'aventure abitibienne. Merci, ouais. Vous deux. On va s'embrasser à la radio. Ben, on vous souhaite d'autres changements. D'hôtel, de toute beauté. C'est un vrai couple, ils se sont embrassés. Ouais, c'est oui. C'est ça vraiment fait trois, mon chum. Et là-dessus, ben, vous êtes à 70% au FME, à CFME 100,5. On va écouter une chanson que j'aime beaucoup, 100% abitibienne, c'est Les Chummies. Tire-toi une bûche, on revient à 70%. J'ai l'impression qu'on va parler de Magic, moi. Le ciel est clair à soir, les filles sont belles à voir, débouche-toi dans une bière. À toi, mon frère. Hey, hey, on va faire le party. Oh yeah. Oh yeah. On va se la saouler. Yeah. Hey, le boss. Ouais. Viens donc pas m'écœurer. Parce qu'à soi, c'est nous autres les boss. Puis on va fêter. À toutes les coupes matchées. Y'a ceux qui ont compris, au chum est ben pacté. Pis y'a ceux qui ont mal vieilli, bienvenue sur le coin de mon feu. Tire-toi une douche, mon vieux. Tu vas voir que dans y'a rien de mieux qu'une bière, un joint, la gang, un feu. Chronique à Jean-Patrick! J'attends tout. La chronique à Jean-Patrick! Et sa prestige est étalée tout en couleur. Ben, écoute, il fallait que je remplace la non-chronique d'hier. J'aimerais dédier cette chronique à Metrum Red Rouge Sativa, 26 mg par millilitre. C'est-tu de la drogue? Oui, c'est de l'huile de cannabis et c'est de l'huile légale. J'ai toutes les... Clairement. Toutes les raisons d'en prendre d'ailleurs aussi. Et donc, je remercie beaucoup Metrum Rouge Sativa pour la chronique que je vais vous faire. On en souhaite à tout le monde. Dans oui, d'ailleurs, je vais m'en reprendre un petit peu parce que là, il est rendu l'heure. Là, un petit peu. OK. À bientôt, ça va être légal. C'est ça. Donc, je vous explique. On prend une quantité d'huile qui est infusée. Avec ça. Puis, on se la met dans la bouche. Jamais. Chris, hein? Mande donc, je peux-tu essayer ça? Tu peux essayer, mais... Peut-être que ça va m'aider. Mais je suis pas sûr que je vais t'en donner autant que moi, mais... Okay. Mais oui, tu peux essayer. C'est bon. Ça goûte pas grand-chose, hein? Effectivement, oui, à date, c'est dans moi. Ouais, et sinon, t'es venu nous parler de quoi, cette émission écoute, de radio? Cette fois-ci, comme hier, c'est ça, je l'ai annoncé, on voulait jouer à Magic. Là, ce que j'ai compris, c'est que un peu comme dans Game of Thrones, là, vous avez appelé votre défendeur, là. Alors, il y a quelqu'un pour m'affronter à Magic aujourd'hui. Oui, notre champion, Vincent Laflamme, un gars de la région, quelqu'un localement qui s'implique dans le Magic the Gathering. Vincent, ça va? Oublie pas de parler dans le micro, Vincent. Toi, t'es là non seulement en tant que gars qui connaissait en estime, mais t'es aussi en tant qu'entrepreneur local, j'ai l'impression. Oui, je suis propriétaire du Dragon Rouge. Du micro. Ouais, mets un pouce entre toi et puis le micro. Bon. Let's go. Propriétaire du repère Dragon Rouge. Là, présentement, on fait juste du Magic, mais dans la prochaine année, on va rajouter des jeux à chaque mois. Okay. Des board games, puis des TCG comme Pokémon, puis Yu-Gi-Oh! Des affaires qui n'intéressent pas nécessairement du monde de mon âge en haut de 35 ans. Mais on a aussi... ça serait weird un peu. Mais on... Mais c'est drôle que vous disiez ça. Je parlais à un propriétaire de magasin, puis il me disait que la clientèle de Yu-Gi-Oh! Était particulièrement spéciale. Oui, c'est ça. Ouais, colle ta bouche sur le micro, hésite pas, là. Faut qu'on t'entende. Mais on a aussi de la place pour les enfants pour jouer pour du monde de tous les âges. Tu as même un dojo dans ta place. Oui, avant, j'avais une école d'arts martiaux. Puis là, présentement, c'est plus un centre d'arts martiaux. Il va juste rester moi. Mais moi, c'est un art martial plus familial. Puis là, la salle que j'ai, c'est une salle de jeu familial. Fait que l'idée, c'est d'avoir un adulte. Si tu viens jouer à Magic, ben t'es capable de traîner tes trois enfants puis d'avoir des jeux pour tous les âges. Et voilà. Je pense que c'est une très louable entreprise et je te souhaite que ça aille bien. Et là, aujourd'hui, vous allez nous jouer à Magic à radio. Ben, premièrement, pour apprendre aux gens comment ça marche. On va présenter Magic aux gens parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce jeu génial. Magic a été inventé il y a 25 ans à peu près, quelque chose comme ça. Tu peux me reprendre, Vincent, si t'as 1989 en Californie par Richard Garfield. Ah, 89? 1989, en Californie, par Richard Garfield. Ben, 93, quand ça a sorti. Ça a été officialisé en 93. Ouais. Et donc, pour résumer, c'est un jeu dans lequel on incarne un magicien qui a des points de vie et qui doit éliminer les autres magiciens autour de lui en enlevant les points de vie des autres magiciens. Et donc, là, vous allez être deux magiciens qui allaient combattre jusqu'à la mort pour nous pendant qu'on va faire autre chose. Vous êtes là à côté, oui, on ça, peut le voir. Commenter on est sur le coups. Site du FME, venez voir. Il y a effectivement du Magic qui se joue. Et je sais, les deux très compétitifs. Jean-Patrick nous a d'ailleurs démontré hier qu'on n'y était pas là pour le fun. Non. Et donc, ce soir, ça va se passer. Mais moi, contrairement à d'autres que tu as croisés, je suis là pour me faire des amis. Pareil. Ah, c'est bon, ça. ça me va. Sinon, pendant que vous commencez ça, j'aimerais saluer les gars de Céréales Keller. Ouh, gros mec! Ça a traversé le parc aujourd'hui. C'est frais, Abitibien. On est très contents de vous avoir à 70%. C'était long, man. J'ai fait du cash en m'en venant, man. Je joue au Game Boy. J'ai un jeu de Blackjack. J'étais en train de miser ma maison, man. Ça va bien. Nous autres, on a un plan. On est d'un band, mais on fait pas de show. Ça, on n'a pas de problème de cash, nous autres. Non, c'est ça. Puis vous allez nous faire, dans le fond, des chansons live ici à la radio tantôt. Ça, c'est grosse partie de notre travail. On est très contents de vous avoir. Gros, ça ne dérange pas, je t'appelle Gros. Non, aucun problème. J'ai mis mon beau saut bleu avec des lignes blanches. Puis c'est vrai. Si j'ai mis mon beau saut rouge, merde. J'ai fait ça pour toi. J'espère que tu avais vu, Gros, parce que sinon... Ça sert à quoi, je porte ça, sinon? De toute beauté. Oups. Non, mais juste mentionner, c'était pour nous avertir que on a fait jouer à l'émission ce matin une chanson dans laquelle on tentait un peu au début de les présenter. Puis j'ai cru comprendre que c'était pas la même aujourd'hui. Hey gros, je sais pas de quoi tu parles. Non, moi non plus, je t'entends pas vraiment. J'ai pris un fixe tout à l'heure. On va régler des affaires. Pendant Jean-Patrick supervise la game de Magic. On a besoin. On a besoin d'un gagnant tantôt. On est entre toi. T'as un deck de quoi? Moi, j'ai un deck blanc qui s'appelle White the Fuck. Et puis toi? Un deck pur vert de créatures undying que quand ils crèvent, ils reviennent en jeu plus fort. Ah, fuck là, you. Donc, occupez-vous de vos affaires. On écoute un petit peu de Normal Amour et on va aller parler avec Sébastien Ouellet. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps qu'il était pas venu. La bête à patate. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là? Et puis, ce beau petit insecte, orange et noir, rehaussant pattes et leurs grandes ailes, comme la vitre, qu'on peut voir au travers. Tout près du bois, on partait, à plusieurs, et les grandes personnes nous amenaient à l'orée du bois, deux fois bois, pour ramasser des bleuets, des mûres sauvages, des fraises sauvages, des framboises sauvages. Je trouvais que ramasser des petites fraises des champs, c'était trop long à ramasser. C'est bon, ça. Je me décourageais vite et j'avais hâte de retourner à la maison. Il y avait toujours un gros bourdon qui faisait des buzz-buzz. Aujourd'hui, de nous autres... Ah non, bon, je vais skipper. Vous êtes-vous déjà fait piquer par... Là, c'est écrit O-A-R. Or gros bourdon. Avez-vous enlevé son dard? C'est pour ça que j'ai choisi ce paragraphe-là. Oui. C'est écrit D'A-R. Moi, ça m'interpelle son parce que ça parle d'art. OK, ouais. Je comprends. De l'art, tu sais. Avez-vous enlevé son dard tout de suite? S'il vous arrivait de vous faire piquer, ne laissez pas le dard dans la peau. Ce n'est pas une bonne affaire. Et, ce sera pas long, là. Ces gros bourdons-là, je vous dis qu'il bourdonne. Il faut enlever le dard. Tout de suite, pauvre lui, il s'en va mourir. C'est vrai, ça? C'est... Parce qu'on sait pour les abeilles et les guêpes, mais pour les bourdons, personne ne l'a jamais bourdons, dit. Pour les bourdons, je ne sais pas. Ben, s'il y a un dard, il meurt. Ouais. Si son dard est en toi... Non, mais les guêpes, ils ne laissent pas le dard. Ils partent avec le dard. Donc, le bourdon est plus apparenté à l'abeille qu'à la guêpe. Écoute... Mais je pense qu'il s'est trompé. En tout cas, selon Normand Lamour, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Anyway, ouais. Moi, mais je ne me fierais pas sur Normand. Je pense pas qu'on pourrait avoir une réponse. Non, je vois vraiment aucun moyen de vérifier ça. Je ne penserais pas que Normand sache c'est quoi la différence entre un bourdon et une abeille. Continue. Ouais, on va faire appel aux scientifiques. Et voilà. Il s'en va mourir tout de suite après. Ce n'est pas drôle pour lui non plus. Et une guêpe sauvage. Vous savez, les guêpes au corps allongé, le derrière en pointu. Ceux-là, c'est pas celle-là, c'est ceux-là. Elle pique en vache. Comme mon père disait, une guêpe à chien, c'est de la façon que je les nomme. Et puis, près du bois, le moucheron qui procure. Procure. C'est la chronique nationale géographique. Une sensation de brûlure. Quand ils nous piquent, ceux-là, à moins que vous préférez les maringouins qui nous acharnent, on peut-tu... Ils nous acharnent. L'acharnement maringouiniste. Quand on va dans les champs, on se grattait. Et puis, ce n'était pas pire que ça. On n'avait pas commencé à dire... Hey, c'est incohérent. Merci beaucoup, Sébastien. Ouais, je pense que t'as fait ta part. C'était donc l'extrait de l'autobiographie de Normand Lamour qui a été lu par Sébastien Ouellet, tel qu'interprété le Saint-Épître de l'amour à rien. Tel que lu par Sébastien Ouellet. D'ailleurs, on répète le titre ouais, du livre. C'est Ma vie, Normand Lamour, l'humain et le divin. J'en parle. plus de 106 CD en 75 langues, tous disponibles. Et voilà. De moins en moins. C'est un vrai livre qui était vendu par des gens qui voulaient faire du vrai argent. Mais on a un vrai artiste de la vraie région devant nous. Sébastien, comment ça se passe? Ben, ça va bien. Ami de 70% et tout. Tu as travaillé sur le FME qu'on est en train de vivre présentement. Je t'ai vu avec Lancelot. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire pour que je travaille là? Toi et tes affaires, là. Ben, c'est quoi vous avez fait? Il y a un gros corbeau. Hein? Ça, c'est un artiste qui vient de France, qui vient de Lyon, qui s'appelle Patrick Lorino. OK. Donc, lui, chaque année, je crois, ou en tout cas depuis plusieurs années, il vient ici faire des interventions comme ça. Donc, c'est vraiment... C'est un de ces arrêts locales. Te sens-tu te faire voler de la job par un immigrant? Non, pas du tout, parce que... C'est une mauvaise blague. Ouais, mais ben, parle-moi de toi, ce que tu as fait cette année. Ben, j'ai vissé beaucoup de vis. OK. J'ai levé des madriers, transporté des matériaux. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de super intéressant. Quelque chose qu'en fait, j'avais jamais fait. OK. Ben, tu sais, la terrière. Vous connaissez la terrière? Non. Okay. Qu'est-ce qu'une terrière? C'est une affaire dans laquelle la terre vit. Une terrière, c'est un outil à gaz qui permet de creuser des trous dans la terre. Donc, on s'en sert notamment pour la pêche blanche ou, comme on peut dire, la pêche sur glace. Donc, j'ai foré avec mes amis, mes collègues de travail, une série de trous aux abords du lac Kosciusko pour y planter de grandes perches décoratives. OK. Donc... quand même pas pire, c'est, ça. C'est, hein? C'est quand même... Oui, c'est enrichissant. Enfin, embellir le lac Kosciusko, je pense que c'est un travail de tous les instants. Ça a l'air d'être un inside habitibien. Ben oui. Le... Mais Kosciusko, apparemment, j'aimerais encore demander l'avis aux linguistes. OK. Apparemment que ça veut dire « belles eaux ». Ah, c'est fini ce temps-là. Ouais. Ça devait être beau quand ils sont arrivés, les Européens. Là, on a amené d'autres affaires, puis là, on attend que d'autres affaires s'en aillent. Sinon, ben, si on veut continuer à te suivre, toi, Sébastien Ouellet, t'as ta page Facebook pour se tenir au courant? Oui, j'essaie de la tenir à jour. Ben oui, mais tellement occupé. Si tu perds de plusieurs enfants qui s'occupent de 8 affaires en même temps, tu sais comment il est heureux. C'est ça, c'est on a visité son atelier, justement, puis c'était beau. Hein, ouais, oui, c'est capoté. Ça sent bon. Ça sent, ben oui, ça sent bon. Ça sent beau. Toi, tu travailles le bois et le métal. Merci beaucoup, Sébastien. Je te laisse le dernier mot avant qu'on parte à Paparazzi. Je n'étais pas prêt à dire un dernier mot. Donc, ça fut un plaisir de vous connaître. J'espère bien vous revoir dans une autre forme d'existence une fois que je serai parti. Calvaire, attends. Faut-tu qu'on s'inquiète? T'as dit le dernier mot. T'as collé ça large en est. Merci beaucoup, Sébastien. Très bien répondu. On écoute une dernière tranche de Paparazzi. Je vous reviens à 70%, je vous en parle. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Oui, salut Andy. Hip Hop Air Horn, pour ceux qui se le demandent, ou Reggae Air Horn. C'est le nouveau son 2017. Ah oui, représente. Il a pour dit, gardez tout le monde là. C'est sûr. T'es venu nous parler de quoi, Andy? Je viens faire ma suite de... Je sais pas si ça va être parti de 2 sur 4, donc je sais pas à quel point je vais en parler tout le temps. Je pense que oui, parce que c'est quand même un gros morceau à passer au travers. Je viens parler de Doris Lucie, encore une fois, viens faire l'humour, donc on va faire l'humour ensemble. Et tabarnak! Hier, on se rappellera que c'est un livre d'humour, là, c'est important. Là. C'est oui, important c'est, de rappeler c'est que c'est un livre d'humour. Si tu me permets, avant qu'on trouve ça plate, ouais. Comment ça se passe la game de Magic un petit peu? Bon, il va gagner, c'est pas compliqué. Ah ouais, c'est t'es allé c'est là, sûr, là. Il a déjà abandonné. C'est sûr qu'il gagne. Il n'y a rien à faire. Mais, c'est-tu parce que les blancs sont meilleurs que les autres couleurs? Non, ils jouent vert. Parce que je m'attendais pas à jouer une game un contre un. Je pensais qu'on jouerait plusieurs. Ah, je comprends. Fait que t'as pas le même genre on de. On t'avait averti que ça serait un contre un. Arrête donc de chialer. Non, non, vous avez dit que vous aviez peur puis que vous aviez trouvé quelqu'un me battre. Vous avez raison. Vous avez trouvé quelqu'un. C'est pas con. On a gagné. Non, non, mais c'est une 2-3. Ça va être la première, mais je lâche pas tant que je suis pas mort. J'aime ça. Bonne attitude. Mais il va m'avoir, c'est sûr. J'ai hâte de voir ça, son deck seulement vert. Let's go, Andy. Fait que hier, l'histoire que je vous racontais, l'histoire d'humour, où est-ce qu'on a ri beaucoup, c'était le Jésuite et la Dame du Monde. Donc aujourd'hui, on fait une incursion dans la fidélité. Donc accrochez-vous à moi. Il ne faut pas en faire une tragédie de l'adultère, puisque ce n'est qu'une comédie. Et si humaine en plus. Boulevardière même. Juste de quoi faire rire. C'est curieux. Les gens rient toujours quand ils voient sur scène ce qui se passe dans la vie des autres. Mais moi, vous me connaissez, je suis pour la vertu. Parce que depuis que je suis petit gars, maman et monsieur le curé m'ont toujours dit que si je m'éloignais d'elle, je finirais par aller me faire brûler les fesses dans le feu de la géhenne éternelle. Or, comme j'ai horreur des brûlures, surtout aux fesses que j'ai sensibles comme celle de bébé... Ah, fesses! Vous pensez si je me surveille. Cependant, l'expérience et mes lectures m'ont appris que la vertu, c'est du caoutchouc. C'est élastique. C'est donc parce que les économistes appelleraient le coefficient d'élasticité de la notion de fidélité que, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à une conception si libérale de la chose qu'elle confine à une sorte d'œcuménisme sexuel pour parler comme l'encyclique Bésame Mucho au chapitre du défoulement. Car l'amour étant singulier au masculin et au féminin au pluriel, je me suis toujours demandé pourquoi. Ce gars-là se branle en écrivant, ah, c'est sûr. Tellement. OK, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est pour ça que je l'ai amené aussi. Il faut s'attendre à ce qu'il produise quelquefois des mélanges détonnants. Je me suis même laissé dire l'autre jour par un ami mien, que je n'ai d'ailleurs pas cru, qu'à Montréal, par exemple, il y a des hommes qui, profitant malicieusement de la grandeur de la paroisse, qui fait que tout le monde ne se connaît pas, trompent leurs femmes. Ça m'a d'abord scandalisé. Mais au moment où ma conscience révoltée contre cette luxure allait armer mon bras pour jeter la pierre à l'adultère, la voix de la justice m'a tout d'un coup soufflé à l'oreille qu'en général, chaque fois qu'un homme trompe sa femme, il y a aussi une femme qui trompe son mari. L'une d'elles m'a même déjà confié un jour, au cours d'un cocktail avancé, une de ces vérités que l'on ne trouve que dans le vin. « Moi, monsieur, j'ai tellement trompé mon mari que je ne suis même pas sûr que mes enfants soient de moi. » Cette sentence m'a fait réfléchir. Oui. Je pense que c'était un punch. Ça. Ouais, ouais. Donc, je recommence. Je recommence au début parce que vous m'avez coupé. Oui, oui. Cette sentence m'a fait réfléchir. J'en ai reparlé à mon curé, à qui Vatican II a ouvert l'esprit au point de le faire basculer parmi les adversaires du célibat ecclésiastique. Il m'a dit ceci. « Mon cher Doris, tu sais... Et si tu ne sais pas, tu devrais le savoir. Le péché n'est pas aussi mortel qu'on le pensait au temps de ta communion solennelle. Tromper. Tromper. C'est un bien gros mot. On en abuse beaucoup. La fidélité, qu'est-ce que c'est au juste et au fond de nos jours? Être fidèle, au sens étymologique du mot, c'est avoir la foi. C'est croire en quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'un mari, un peu léger, a, un soir de fête, eu la joyeuse faiblesse de s'envoyer les jambes en l'air avec une dame du monde avec qui il n'est pas sous contrat, qu'il faut en déduire qu'il ne croit plus en sa femme pour autant. La fidélité conjugale, mon fils, ce n'est pas une question de chair, c'est une question d'esprit. Cette dernière phrase m'a réconcilié pour la vie avec la religion de mes ancêtres. Elle m'a ouvert des horizons vers lesquels je sens que je n'ai pas fini de m'élancer. je sens s'élargir en une vaste circonférence l'éventail des possibilités de toutes sortes qui s'offrent désormais à mon initiative. Je risque même peut-être en cours de route de devenir, sans le savoir, l'instrument de la justice immanente qui exige que ceux qui sont trompés soient dédommagés en quelque sorte. C'est vrai. Qui vous dit que dans mes aventures, je ne vengerai pas quelqu'un? Car c'est un théologien humoriste qui l'a déjà dit. La fidélité, c'est quand l'amant est cocu. Ah, c'est vraiment aride, là. On peut-tu brûler son livre, quelqu'un? À la fin. Ouais, c'est ça, asti. Alors, pour l'instant, venez toujours faire l'humour avec nous. J'avais oublié de lubrifier encore aujourd'hui. On peut-tu aussi faire comme une espèce de petite poupée à son effigie, puis la brûler, genre? Ben, on peut trouver quelque chose au Père Gédéon. OK, c'est bon. Ben, sûrement que le temps s'en est déjà occupé. Ah non, c'est Jean-Pierre Ferland qui est mort. Je pense Doris Lucie. Il a eu l'air d'avoir 40 ans, 60 ans toute sa vie, genre. Puis il est mort à 57 ans. Jean-Pierre, pas Ferland, l'autre, là. Fernand Gignac, voilà, ouais. C'est dit. Ah, ouais. Tout le long de la soirée, je vous ai parlé de Paparazzi. Hein? Ce soir, c'est le groupe qu'on veut essayer de réhabiliter, un band qui aurait certainement fait partie d'un FME, si le FME avait eu lieu dans ce temps-là. Donc, ce soir, je vous parle de Paparazzi, un band formé de Maurice Star Leberg, L majuscule E, espace B majuscule E R G, Leberg et Richard Sanson. Ils ont connu un immense succès avec la chanson Tant d'amour, autant au Québec qu'en France et jusqu'en Europe. La voix de Maurice est très spéciale, au point où il n'est pas rare d'être certain que leurs chansons sont interprétées par une femme la première fois qu'on les entend. La musique fait très européenne et on reprend ce qui se faisait beaucoup fin 80, début des années 90. Un brin électronique très appuyé par le beat. Un style qui rappelle les Eurythmics. L'aspect le plus spécial de Paparazzi, c'est que personne, nulle part, n'a jamais vu les trois membres du band en même temps dans la même pièce. La mère de Maurice, veuve depuis l'incendie de sa maison familiale en 1979, alors que le chanteur n'avait que 11 ans, laisse planer un doute sur la composition originale du groupe. « Mon fils préférait jouer tout seul, toujours dans sa chambre, dans le grenier de la maison. Il prétendait pouvoir mieux laisser planer ses ambitions et rester loin de ce qu'il nommait les « dégradants ». Il prétendait que lui et son ami, Leberg, le cadavre de sa tortue enrobée de sa couverture qu'il traînait partout depuis l'enfance, n'attendait que la venue de la troisième pointe du triangle de la force pour lancer une vague vengeresse sur l'humanité abasourdie qui prenait pour acquis ses oreilles. La dame, généreuse de son temps, a rajouté, juste avant de nous mettre dehors, « Vous comprendrez jamais la souffrance de ce jeune homme qui a perdu son père dans un incendie cruel aux sources vraiment nébuleuses. Il en riait de souffrance lors des messes et autres activités liturgiques auxquelles je l'obligeais à participer. » Voyons. Richard Sanson, ou Dick de l'homme fort, serait le troisième pointe du pseudo-triangle de force invoqué par Maurice lors des cérémonies du thé de plus en plus sombre qu'il pratiquait avec ses nombreux objets de collection et autres peluches. Les deux acteurs engagés par Maurice pour tenir le rôle de Leberg et Richard Sanson dans les spectacles ont d'ailleurs refusé de répondre à notre demande d'entrevue du simple fait qu'ils sont les deux décédés dans des accidents de la route suspects lors de la nuit de l'équinoxe d'automne en 1999. Quant à Paparazzi, après trois albums, le groupe ne s'est jamais officiellement dissous. Et on en sait très peu sur Maurice Star, le leader, qui se fait aujourd'hui appeler « l'engeance de l'apocalypse et incarnat majeur de la solution finale ». Mais qui sait, peut-être qu'un jour nous allons pouvoir applaudir ce band manquant au répertoire FMS-que dans un futur. Hein, il faut ramener Paparazzi sous les feux de la rampe. Et donc là-dessus, je vous laisse avec leur plus gros hit selon moi, « Oh, oh, désiré, désiré, Les couleurs de ma tige, à tous les flacons d'avoir venu. merci beaucoup à Paparazzi. On a redécouvert un fleuron du Québec. Là-dessus, on s'en va tout d'un bloc vers nos amis. Céréales Killer, comment ça se passe, les gars? Ah, ça va, man. Moi, c'est Paradis, man. Ouais, Paradis, comme François. Le Paparazzi, le man, les papas, puis les radis, man. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Donc, vous avez traversé le parc. Je vois que vous avez des notes. Vous avez l'air vraiment occupé. Vous êtes sapé à la nouveau genre. Ouais, ça a été un peu plus long que prévu, man. Puis là, on s'était taxé un lift pour descendre, tu sais. Puis là, le gars, il était nerveux en tabarnak, le gars. On t'a arrêté resto l'idéal, là, à Malartic. Là. T'es vraiment pas l'idéal, non, man. Non. Le gars, il s'est pissé avec le char, lui. Man. C'est beau, ce gros. J'attendais mon hot dog. Puis, du coup, finalement, on a fait le reste à pied, man. Puis ça va. Ouais. C'est beau. On a rappé à pied, gros. Mais moi, dans le fond, c'est la sécurité, là, je trouve qu'elle est vraiment importante dans le propos, gros. Que ça te dérange pas, je t'appelle gros. Non. OK. Parce qu'il faut le savoir. C'est, que ce ouais. soit au niveau des réseaux sociaux, là, juste de mettre une quantité d'eau sécuritaire dans le bain de ton Exactement, enfant, ça même. Peut juste comme... changer le monde. Tu sais, manger sans arachide là, ou encore mettre un condom quand c'est le temps. Moi, dans le fond, gros, j'ai tout le temps dit que c'est plate noyer un enfant non désiré sur Facebook. C'est vrai, man. J'ai vu souvent. Ouais, je confirme. J'ai mis mon saut de bleu marin, gros. Ouais, puis il tout, man, mon site. Ben, c'est beau ici, pareil. C'est. Moi, j'ai fité. Ouais, non, c'est beau. Il y a des mines. J'étais dehors tantôt, je fitais dans 4-5 places différentes. Je me déplaçais d'une place à l'autre. Ouais. Il fait chaud en esti dans le swag. Gros. Ouais, ouais, man. Mais il faisait frais de la route. C'est ça, il y avait. C'est une belle route, c'est une belle route. C'est swag, c'est bon, ça. Vous faisiez des jokes tantôt, c'est quoi la différence? Ouais. Je sais pas. J'ai gagné. Moi, j'aime bien le. Tu sais quoi, la différence entre une grand-mère et puis. Ouais. Ça va pas bien, tu trouves même pas, man. Comment tu veux qu'on le sache? Non, mais j'aime bien. C'est quoi la différence entre un beigne et un ballon de soccer? Elle sait pas, man. Ben, c'est que tu peux pas tremper ton ballon de soccer dans une tasse de café. Ça, c'est définitif. C'est la seule différence. Essayer une fois. Puis non, ça marche pas. Ça tasse. Ben, c'est la différence la plus importante. C'est sûr, tout le monde pense à ça tout de suite. Sinon, vous êtes là pour régler des affaires. Ben, là, on avec ça. Votre on, grosse pancarte. On est au FME, gros, parce que nous autres, on vient pas faire de show d'ici, on vient juste comme un peu gager les affaires, tu sais. Vous tentez le terrain. On tente le terrain, tu sais, c'est important. Puis, nous autres, on n'a pas besoin de ça, de l'argent, gros. Là. Ben non, oui. Moi, tu me payes pour faire un show, je dis non. Hey, oui, check. Jamais. Check ici, là. Pas besoin d'argent avec ça, le gros. Un gros, man. Un gun, pas besoin d'argent avec ça. Par la véranderie. Par la véranderie, mais combien j'ai d'impoches, gros? Eh ouais. Ah, y a petite tout à l'heure et tout, elle cherchait des guns. En tout cas, on a des guns. Moi, je dis, plug. On a des guns, on a des guns. T'en veux des guns? On a des guns. On a un masque. Voyons, gros. Mon tiroir. Ça te dérange pas? T'appelles gros? Ok. Ça me va, c'est correct. Fait que. Est-ce que vous allez nous interpréter quelque chose? Ouais, ben, toi, Godette, tu l'as déjà entendu avant? On a dit, tu nous as dit que tu l'aimais bien, ce tune-là, à moins que c'était d'autres choses que tu parlais. Ouais, mais faut que tu le dises, là. Faut vraiment falloir que tu le dises. Moi, j'aime bien ça que vous soyez là avec nous autres pour faire un autre 70%. C'était justement la réponse que je voulais, man. Voilà, c'est la seule. L'écrit sur un papier. C'était la seule bonne réponse. Tu l'as lu, tu t'es rire. Fait que là, vous allez nous faire l'air du temps, si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce que cette chanson-là a une signification spéciale pour vous? Est-ce qu'elle est dédiée à un être cher, à un concept qui vous est précieux, un objet brisé. Je pourrais le dédier à un concept, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, mais qu'on ait des idées, on te le dit, mais à date, déjà, on sait que c'est un concept. Le concept est interpellé. Ça va super bien. Bon, ben là-dessus, messieurs, s'il vous plaît, on est à 70%. C'est un réel privilège. Salut, Mathieu. Chillax. On va écouter donc Céréales Killer pour la première fois du bon côté du parc. Yeah. La ville de Montréal va finalement déverser dans le fleuve Saint-Laurent 8 milliards de litres d'eau. 8 milliards de litres d'eau usée. Yeah, représente, man, l'actualité 2015. Back in the days, man. Ah, yeah. J'étais là, gros. Où tout? Check it out. Faut pas polluer, mais polluons. Population colérisée. Denis Loiseau, t'as fait ton nid, Pinocchio, dans un trou d'eau. Sac vert, sac noir, sac transparent, sac à 5 cents, choisis ton cas. T'es-tu compost ou bien déchet? T'es-tu couillard ou bien charret? Caca. Caca. Pipi. Pipi. Caca. Pipi. Caca. Caca. Pipi. bord de barge qui flotte au large des berges. La capitale t'empêcheront pas de couler un bronze. Statue de sel qui nous impose, buste de crotte, système anal, dégoût banal. Browse pas la motte, sinon ça remonte. Sinon ça remonte, sinon ça. Sinon ça sent. Sinon ça sent, sinon t'as. Sinon t'as honte. Sinon t'as honte de l'air du. De l'air du temps. Ouais. C'est pas parce que la pluie fait monter la matière fécale que tu te retiens de faire ta chasse matinale. Pousse, pousse, ta crotte, on va nourrir les poissons. Anyway, ça a l'air, c'est bon pour la moisson. J'sais pas pour toi, mais moi j'préfère mes chicks nature. Ta mère, ta sœur, l'air pur au futur. C'est moi qui t'en demande trop. J'ai-tu l'air parano? Mais franchement, le gros, là, déverser tes égouts dans le fleuve, c'est 2018, ça. Ah, Chris. On fait pas ça. Non. Tout le monde sait ça. Oui. On fait pas ça, non. Non. Non. Tout le monde sait ça. Check it out. Sinon, ça remonte. Sinon, ça sent. Sinon, ça. Sinon, ça sent. Sinon, ça sent. Sinon, t'as. Sinon, t'as honte. Sinon, t'as honte de l'air du. De l'air. Tout le monde! De l'air du temps. Tout le monde, j'ai dit, man. De l'air du temps. Plus fort que ça! Plus, là, tout le monde. De l'air du temps. Comment c'est beau! De l'air du temps! De l'air du temps. Elle était plus courte que ça avant, tu t'as coupé. C'était pas la version radio edit. Fait que. Regarde une fois. De l'air du temps. Wow, ah, ça a ça. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, gros. Non, demain, pas. Elle va être plus courte. Ouais. Mais ce tune là ça a comme réglé le problème en 80, en 2015. En 2015, ça a aidé à faire réélire Coderre, gros. Ouais, ouais. Ouais. On était là. C'est nous autres, ça. Ça va vraiment bien. Hein? C'est un 70% exactement dans les cordes qu'on voulait vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour poser une question qui me pèse depuis. Parce que Mathieu vient de nous rejoindre et. Mathieu. Boudreau. Mathieu Boudreau. Le parc. Man, c'était vraiment, vraiment ordinaire. Il se passe rien là-bas. C'est juste une route puis des casse-croûtes dégueulasses. Non, non, mais si je peux me permettre, Mathieu, que je connais pas, là. Et... Wow! Si je peux me permettre, man, moi, ça m'a touché. Tu sais, tu t'en vas, là, maintenant, il y a une mine. Maintenant, il y a des arbres, puis là, tu t'en vas, puis là, maintenant, il y a une mine, man. Ah, ben, non, je comprends, je comprends qu'il y a une mine. Mais moi, je viens d'une place aussi où il y a une mine. Ça m'impressionne pas. Moi, j'ai l'impression d'être chez nous, mais c'est juste plus long. Vis dans le déni, man. Vis dans le déni. Je vis dans le déni, certain. T'as pas remarqué aussi qu'il manquait comme 50% d'eau, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il n'y a pas comme un océan Havre-Saint-Pierre. Ouais, hein, ça, c'est Havre-Saint-Loin. Ouais, c'est chez nous, ça. C'est ça, c'est ça. C'est au moins 12 heures. Je suis sûr que t'es un petit peu gêné. Là. On va en reparler. Je peux-tu remettre mes lunettes? Tu peux te remettre en personne. Redeviens. Gros, mange dans les personnages. Non. Sinon, ben, on va passer une chanson de notre bon chum Benoît. On l'aime beaucoup, Benoît Poirier. Du sang chaud de cheval. Et on vous revient à 70%. Que les one-way sont dans l'autre sens. On a décidé de vous en offrir une par soir pendant le FME. Ce soir, c'est mon tour. Je vous fais Misère de Hôpital pour l'âme. Ils disent que la misère aime la compagnie. On pourrait faire une compagnie puis faire de la misère plus moi je sais ce que t'as besoin, j'ai peut-être la fin. Je sais ce que t'as besoin de voir. Mais sans moi donc de ma misère, moi je le ferai pour toi et peux-tu le faire pour moi? On va toujours être occupé à faire de la misère. On pourrait faire une fabrique puis faire de la misère. On ferait le remède puis la maladie frustrée incorporée. J'ai peut-être la fin. Je sais ce que tu veux ressentir. Mais sans moi dans de ma misère, des champions du suicide et puis les eaux précieuses pour toujours après être content à faire la misère. C'est le break de la toune. Ça me permet de vous rappeler que vous écoutez 70% sur les ondes de CFME. On est plein d'amis, c'est un plaisir. Je vais revenir frustré tantôt, mais c'est juste un personnage. Hein. J'aime tout le monde, sauf Éric Lapointe. Peux-tu satisfaire ton avarice d'obtenir ce que t'as besoin? Est-ce que c'était solitaire l'envie? Vite, frustré, incorporé. Frustré, incorporé. Licencié à tabarnak. Enregistré, pis pas content. Dans la meute organisée, moi pis mes chums, on aimerait se plaindre. Occupé à checker ses privilèges, frustré, incorporé. Un pédant encore 30 secondes. Jean-Patrick qui joue à Magic. D'ailleurs, Jean-Patrick, on va aller jaser de ça avec toi. Comment ça se passe du côté de Magic? La première, telle qu'annoncée, il l'a gagné. Puis la deuxième, il t'avait la gagnée. Hein. Oh mon Dieu, mais ça va pas bien, Jean-Patrick. Qu'est-ce que tu penses? Ton deck vaut combien d'argent au total, Vincent? Là, on va mettre des affaires au clair. Là. Ben, vu qu'on est d'une émission à 70%, ben, ça tombe bien parce que moi, j'ai des decks 70%. Et je pourrais jouer des decks pleine capacité avec des cartes qui vaut cher, mais ça serait juste battre du monde avec de l'argent. Moi, j'aime ça aller dans l'arène avec une cuillère de bois. Ouh! Fait que quand t'es en train de dire que tu l'as planté avec une cuillère de bois, là. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Mais la cuillère de bois, t'as pas vu le manche en or, t'as. Non, oh! C'est dit, il y a Nounours en plus qui supervise tout ça, donc on s'entend. Il y a rien qui peut arriver de croche là-dessus. On est encore à 70%. Tantôt, Jean-Patrick, tu m'as amené une chanson, ça s'appelle Stella, l'idole oui, ben, des jaunes. C'est une, t'as-tu une petite présentation ouais, pour c'est ça? C'est une fille qui a eu un certain succès, je ne sais pas, dans les années 70. Et c'était une jeune fille de 14 ans. Puis, bref, elle doit avoir 16 ou 17 ans dans la chanson qu'elle a. Je sais pas si son âge est... Ben non, mais c'est surprenant parce que tu te dis, ah, OK, elle a de la profondeur. Pas dans la chanson que j'ai choisie. Pas dans la chanson que j'ai choisie, mais dans les textes qu'elle utilisait puis dans les entrevues que j'ai vues. Fait que c'est ça, c'est plus pour aller dans le beat. Fait qu'on écoute Stella, l'idole des jaunes. Et ouais, on... c'est ça, jeu de mots plate. Là, vous allez voir. On est dans les années 70. C'est cela. Ça émerge en esti au CFM. C'était Stella, l'idole des jaunes à 76%. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, on est surpris en studio de recevoir Chinook, notre danseur radiophonique. Un plaisir à chaque fois. Chinook, ça va? Oui. Il est en train d'être heureux dans le vague. Ben oui, d'être là. Rouyn Noranda, le parc et tout. Ouais, j'ai fait encore une fois. Tu nous as amené quoi, là? Là, c'est un poème. Là, t'as mis tes tripes là-dessus, puis tu viens nous montrer tripes, ça. Mes tripes, ma moustache, mes bretelles, tout le kit. Vas-y, danseur radiophonique, on t'écoute. Oh ouais, ben c'est un poème de Monsieur Ibarra. Ibarra, on le félicite. Alors, ça va comme suit. Je lasse mes bottes. Je réajuste ma veste. Je m'attache un ceinturon de 30 livres. Je mets mon badge, je dis au revoir à mes proches, je passe la porte avec l'espoir de revenir, je prie Dieu qu'elle m'accorde sa protection, je laisse mes doutes et mes peurs derrière la porte, je contrôle ma voiture de service, Je patrouille dans votre quartier. Votre sécurité repose sur mes épaules. Je rentre quand il y a un intrus. J'arrête les bagarres. J'arrête les menaces. J'arrête les cambrioleurs et les voleurs. J'arrête ceux qui se détruisent avec la drogue. C'est Batman. J'arrête ceux qui maltraitent les enfants. J'arrête les meurtres, viols et autres crimes. Je suis votre première ligne de défense. Je donne ma vie pour vous protéger la vôtre. Ma sécurité est constamment en jeu. Je supporte vos malheurs, mais vous me hurlez dessus. Vous me détestez. Vous n'êtes jamais d'accord avec moi. Vous me traitez de cochon, de chien, d'escroc, de fou de la gâchette, de mauvais et d'inutile. Vous me combattez. Vous me crachez au visage. Vous essayez de me tuer. Ouais. Vous apprenez à vos enfants que je suis un monstre qui viendra les emporter. Vous jugez tous mes gestes. Vous remettez en cause mes décisions. Vous vous plaignez de moi et je ne vous tiens même pas rigueur avec mes proches qui souffrent de mon absence. Pourtant, je suis toujours là pour vous. J'aurai toujours une oreille pour vous. Je continuerai à me battre pour vous. Je me tiendrai toujours là pour vous. Avec l'estomac noué, avec les mains moites, en retenant mes larmes. Mes larmes? Mes larmes, Tommy. Avec mes meurtrissures. Ça, c'est le meilleur. Mes meurtrissures. Ma vie, entre parenthèses. Je continuerai à vous protéger. Je maintiendrai la paix. Je protégerai les faibles. J'aiderai ceux dans le besoin. Je suis un officier de police. Ah oh, ouais! Ah oh, hey. Hey, quel punch! Wow! Ça, c'est agent Iboura. Ah ben calé, j'avais pas vu venir pantoute. Moi, je pensais que c'était Batman, comme tu disais. Puis on doit remercier Laurent. Pour la traduction. Oui. Merci Laurent. C'est, en tout cas, il a oublié de parler du salaire de 109 000 piastres par année minimum. Là, mais, en tout cas. Ah ouais, mais écoute, il a pogné des tendinites avec sa matraque. Ah, c'est des héros. Il est pas chanceux, ce gars-là. C'était une victime, Tommy, ça aussi. C'était une victime. À force de taper au hasard, il s'est blessé. Ça, j'ai pris ça sur la page Facebook de soutien aux policiers du Québec. Ah, tu tiens, c'est des places weird. Donc. Des héros. Merci, Chinook, on va couper ton micro. On va aller écouter maintenant une chanson. J'ai demandé à Bruno de nous amener une chanson. Peut-être, Jean-Patrick, comment ça se passe dans la game? T'as l'air brou dans le toupette? Non, comme j'ai dit, je vais perdre. Il n'y a rien de nouveau. Okay, je vais juste faire durer le suspense. On sent que tu le prends bien. On écoute le privé à 70%. Oh, wow. Le choix de Bruno. Hein. C'est une chanson de l'excellent Daniel Lavoie. Je la regarde aussi. Riche héritière, aventurière, la rôle, j'ai parqué derrière. Garde elle plante un poignard doré. De retour à 70%. Jean-Patrick, comment ça se passe la game de Magic contre notre champion local, Vincent Laflamme? Ben, je te le résume depuis tantôt. Là. Je fais durer... Peut-être qu'on pourrait laisser Vincent parler. Comment tu es en train de trouver ça facile de péter à gueule au Montréalais? Là? Ben, clairement, il n'y a pas la génétique en santé et intellectuelle d'un gars de la région. Là. Mm. On voit clairement que le smog a affecté ses capacités cérébrales. Je voulais dire, de manière générale, là, ça m'a pris des années à être capable d'expliquer d'une manière simple et condensée Magic pour les newbies, là. Mais land créature attaque. Okay? Si tu es capable de mettre des lands, payer pour tes créatures pour attaquer, tu es capable de jouer à Magic. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et là, Jean-Patrick aurait été moins capable que toi. C'est toi qui as gagné. Donc, la commandite va être redistribuée. On va pouvoir donner un booster à un... Je sais pas, moi, un organisme pour les pauvres. Ah, ben sûrement, c'est une bonne idée. Le club des boosters de Magic. Sinon, toi, c'est juste en haut du mic, ta salle de jeu. Moi, c'est en haut du mic. La on petite va Italie, là. Ouais. Ouais, en haut de la petite Italie. C'est ça. Ouais. Bienvenue aux Italiens. Puis, on va ouvrir officiellement dans début octobre. Sinon, si on courant sur MTG Abitibi sur Facebook. Oui, sur MTG Abitibi pour tout le monde qui veut être à jour pour les tournois. Puis les soirées, il y a des soirées libres, il y a des soirées gratuites, puis je donne des prix. Puis pour les gros joueurs de tournoi, ça permet vraiment, contrairement aux échecs où que tu joues éternellement tout le temps les mêmes pièces, Ben, Magic, ça a comme pas de fin. Tu joues jamais deux fois la même game. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. C'est un plaisir de t'avoir reçu à 70%. Merci, Jean-Patrick, d'être venu te faire humilier avec ton deck blanc Wuss. Merci beaucoup à tout le monde qui ont participé au show. Il y a eu une pléthore de chroniqueurs. Je ne vais pas commencer à nommer des gens pour oublier personne. Merci beaucoup à Chinook qui est venu danser. Céréal Killer, on vous revoit demain à 70%. Ouais, demain, on revient. Là, si on n'est pas trop waste, on va être là. On a bien hâte. Andy, Bruno, on se revoit demain aussi. Ben. Et voilà. Ben sinon, c'était 70% pour aujourd'hui, deuxième du FME. On s'en va chiller au show de Dr. V à minuit dans la ruelle. Je vous laisse avec moi qui compte des Wall of Wuss. 1, 2, 3, 4, 5 Wall of Wuss. 6, 7, 8, 9, 10 Wall of Wuss. 11, 12, 13, 14, 15 Wall of Wuss. 16, 17, 18, 19. 20 Wall of Wuss. 250 Wall of Wuss 269 270 Wall of Wuss Wall of Wuss 790 792 593 594 595 Wall of Wuss 796 797 798 799 790 Wall of Wuss 791 792 593 594 595 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wuss 795 796 797 798 799 Wall of Wood, 806, 807, 808, 809, 910, Wall of Wood, 896, 807, 808, 809, 910, Wall of Wood, 810, 911, c'est à moi. C'est FME, 100.5 FM, la radio du FME. CFME 100.5 FM, la radio du FME.